Alfred de Musset, poète des jeunes, par Jules Chancel. Vers l'année 1820, vivait à Paris, dans une vieille et confortable maison de la rue Cassette, un délicieux bambin aux boucles blondes et aux grands yeux bleus rêveurs, qui gâtait à qui mieux toute une famille dont il était l'idole. Son père, fonctionnaire au ministère de la guerre, était un écrivain de race, à l'esprit meublé, à la parole fleurie. Il avait, dans sa jeunesse, commenté les œuvres de Jean-Jacques Rousseau et conservait de cette fréquentation philosophique un libéralisme que l'on retrouvait dans ses procédés d'éducation. Quant à sa mère, c'était une femme distinguée, douce et croyante. La formation intellectuelle de l'enfant se ressentira toujours de ces deux influences contradictoires qui, loin de se fondre en lui, comme il semble que cela eût été logique, se combattirent avec acharnement au détriment de son équilibre. Mais le génie ne naît-il pas justement de ces déséquilibres? D'ailleurs, Alfred de Musset, ainsi l'appelait l'enfant dont nous vous entretenons, montrait déjà une nature difficile, un tempérament délicat, d'une nervosité presque maladive et impressionnable à l'excès. Il manifesta de très bonne heure cette impatience de jouir, qui devait être la caractéristique de son caractère et causa le malheur de sa vie. Un jour que le cordonnier lui avait apporté des souliers rouges tout neufs, et que sa mère tardait à l'habiller, il s'écria en trépignant d'impatience « Dépêchez-vous, maman, mes souliers neufs vont être vieux !» Une autre fois, le petit garçon, à la suite d'une peccadille, est enfermé au cabinet noir. Il y était à peine qu'il se mette à s'accuser à haute voix, en déplorant la peine que sa méchanceté a causée à la meilleure des mamans. Touchée de ce repentir apparent, Madame de Musset s'empresse d'ouvrir la porte à son fils, et celui-ci, à peine délivré, la remercie par ses mots imprévus. « Bah, tu n'es guère attendrissante !» N'est-ce pas le ton que nous retrouverons dans la célèbre nuit de décembre, quand il apostrophait la femme qu'il avait abandonnée ?« Allez, allez, suivez la destinée, qui vous perd n'a pas tout perdu !» Vers l'âge de 12 ans, Alfred de Musset, en compagnie de son frère Paul, qui fut toujours pour lui un ami fidèle et admiratif, entra au collège Henri IV. Il y fut un excellent élève, puisque, en 1827, il obtenait le second prix de philosophie au concours général. Le jeune homme quitta le lycée sur cette apothéose en refusant obstinément de se présenter à l'école polytechnique au grand dépit de ses parents. Il accepte cependant, pour leur être agréable, de travailler le droit, mais il le fit sans enthousiasme. N'écrit-il pas, à cette époque, à l'un de ses amis « Je m'ennuie et je suis triste, mais je n'ai même pas le courage de travailler. Je me sens par moments une envie de prendre la plume et de salir une ou deux feuilles de papier. » Mais la première difficulté me rebute. Et il termine sa lettre par cette déclaration. Non, je ne veux pas être avocat. Je crois encore au bonheur, quoique je sois bien malheureux en ce moment. On sent dans ces confidences de l'adolescent le désir d'écrire et déjà ce doute, cette désespérance, cet ennui, qui ne devait jamais l'abandonner durant sa malheureuse existence. D'ailleurs, cet état d'esprit ne lui était pas particulier. C'était celui de toute une génération, celle des jeunes hommes de la Restauration. Il semblait qu'après les efforts formidables que Napoléon avait exigés du pays, la jeunesse se sentit tout à coup désœuvrée dans cette époque terne et sans gloire, succédant à la brillante épopée impériale. Durant les années qui suivirent sa sortie du collège, Musset, tout en ayant l'air de faire son droit, passait son temps à flâner sur les boulevards et dans tous les endroits où s'amusait la jeunesse dorée de l'époque. Bientôt, il abandonne le droit pour la médecine, mais la salle de dissection lui fait horreur et un beau matin, il vient déclarer froidement à sa mère éplorée qu'il renonce décidément à prendre une profession. C'était au contraire le moment où, en réalité, il commençait cette carrière dans laquelle il devait si triomphalement réussir. Sans s'en douter lui-même, il entrait dans l'arène littéraire et devenait poète. Très jeune, des amis l'avaient emmené chez Victor Hugo et il se remit à fréquenter la maison du dieu de la poésie. Il y rencontra Alfred de Vigny, Sainte-Beuve, Mérimée, Charles Nodier, qui lui firent bel accueil et le traitèrent en Benjamin, en chérubin. Il fit également partie de ces fameuses soirées de l'Arsenal chez Nodier, où chaque auteur racontait ses œuvres, et où se discutait la thèse du romantisme, qu'il était question de rajeunir et de la versification qu'on voulait rendre plus libre et plus vivante. Dans ce milieu vibrant, il sentit soudain s'éveiller en lui le démon poétique. En se promenant dans les allées désertes du bois de Boulogne, il lança aux frondaisons du printemps de 1829 ses premiers vers, qui furent réunis et édités sous le nom de Contes d'Espagne et d'Italie. il n'avait pas 20 ans. L'allure de ses pièces cavalières, tapageuses, de ses verres empanachés, plut tout de suite à la jeunesse. Celle-ci adopta presque immédiatement Musset comme son poète, et sa gloire parlée chemina rapidement parmi les hommes de 20 ans. À la suite de ce succès, le monde littéraire attendait de ce jeune poète qu'il se posât en champion de l'école romantique, que sa première œuvre semblait vouloir renouveler. Il serait peut-être devenu ce champion attendu si l'époque avait été plus propice aux poètes et aux rêveurs. Or, on était en pleine révolution de juillet, période peu favorable à la littérature. À son père qui lui demandait à ce moment quelles étaient ses intentions, Alfred de Musset répondait « Je vais tenter un nouvel essai en écrivant un second volume de vers. Si cet ouvrage ne me procure pas les moyens d'existence qui me sont nécessaires, je m'engagerai dans les hussards de Chartres, ou dans le régiment de Lanciers, où se trouve mon ami, le prince d'Eckmühl. L'uniforme m'ira bien. Je suis jeune et de bonne santé. J'adore l'exercice du cheval, et avec des protections, ce sera bien le diable si je n'arrive pas officier. » Afin de satisfaire sans doute ce besoin d'action, le poète se rangea dans le parti de l'opposition et prit part à des combats de rue durant cette révolution de juillet, plus théâtrale que populaire, ce qui explique comment il enrôla dans ses rangs tant de gens de lettres. Puis les choses reprirent peu à peu leur cours. Musset ne songea plus à endosser l'uniforme militaire, et en 1832, il faisait paraître son deuxième volume, Le spectacle dans un fauteuil. La critique s'en occupa peu. Elle boudait l'enfant prodige, qui avait été assez impertinent pour se moquer d'elle avec sa balade à la lune. Et cependant, les poèmes contenus dans ce recueil sont de forme plus classique que les premiers. La muse de Musset s'assagissait. Mais s'il devenait plus sage dans son œuvre, il commençait à se dérégler dans sa vie. Le jeune poète était dandy d'instinct, comme il était voluptueux, et incapable de résister à sa nature, il se lança dans une existence débridée, en compagnie de toute la jeunesse dorée de l'époque. Le prince d'Eckmühl, le comte d'Altoncé, le prince de Belgioso, etc. Sa personne physique était si naturellement élégante, nous explique son frère Paul dans les mémoires qu'il lui a consacrées, qu'il était impossible de supposer qu'un vêtement ne lui allât pas très bien. On devine combien, avec de tels avantages et de semblables relations, Musset devait être tenté par la vie facile des désœuvrés. Aussi, n'est-ce que par intermittence qu'il redevenait poète, par nécessité, quand il avait perdu son argent à la bouillotte, ou qu'il l'avait dépensé dans une agape du genre de celle qu'il offrit au restaurant des frères provençaux, et qui lui coûta 4 000 francs, somme considérable pour l'époque. Cette existence frivole qu'il menait avec insolence désolait sa mère, qui essayait en vain de l'attirer chez elle. Ce fut pourtant à l'une de ses interventions maternelles que Musset faillit devoir son salut. Une nuit que, par hasard, il travaillait chez lui à une nouvelle dont il cherchait vainement le dénouement, sa vieille bonne, qui lui était attachée comme elle l'aurait été à son propre enfant, prit sur elle d'introduire dans sa chambre sa mère en dépit de la consigne qui lui avait été donnée. Madame de Musset entra pas de loup, embrasse sans rien dire son fils sur son front brûlant de fièvre et dépose sur une table un vase plein de roses. Absorbé par son travail, le poète ne remarqua pas tout de suite les fleurs que lui apportait sa mère, et celle-ci, dépitée, finit par les lui désigner du doigt en disant sur un ton de reproche « Tu sais, il en a pour 4 sous. » Musset sourit tristement à l'énoncé de cette somme minime, car la nuit précédente, il avait perdu au jeu plusieurs milliers de francs. Mais après avoir souri, il réfléchit. Ce reproche muet de sa mère, ses misérables 4 sous, rapprochés des sommes dilapidées par lui sur le tapis vert, les murs si profondément qu'il songea avec quelques regrets à la vie simple, aux joies modestes du travailleur, et ce fut ce thème qui lui fournit le dénouement de sa nouvelle. Quelques mois plus tard, peu de temps après la publication tapageuse de son poème Rolla, il faisait la connaissance de George Sand durant un dîner de la Revue des Deux Mondes. Quand furent rompus les liens qui unirent ces deux écrivains, il en résulta pour ce grand enfant gâté de Musset une telle solitude, un si profond désespoir, qu'il ne put jamais se relever de cette désillusion. Comme tout poète véritable, il éprouva le besoin de chanter sa douleur, et sa nuit de mer reste l'expression admirable de ce désastreux état d'âme. Il le nota également dans cette terrible confession d'un enfant du siècle, au cours de laquelle Musset a voulu même avoir vomi la vérité. De cette crise, le jeune homme était sorti transformé. Musset le dandy, uniquement occupé à séduire et à plaire, était devenu un homme triste, froid et hautain, qui ne se livrait que fort rarement. Malgré ses déplorables dispositions, il s'était remis au travail et ce furent successivement ses œuvres maîtresses qui sortirent de sa retraite, Les Nuits, L'Estance à la Malibran et L'Espoir en Dieu. À dater de ses poésies, Musset n'est plus romantique. Mieux encore, il brûle ce qu'il adorait et devient journaliste humoristique en publiant les dialogues de Dupuis et Cotenet. Il reste à parler de Musset, auteur dramatique. On peut dire qu'il le devint par hasard et involontairement. Il débuta au théâtre par La Nuit vénitienne, qui fut un insuccès complet. Cette chute fut si pénible à son orgueil qu'il résolut de ne plus aborder la scène. Mais comme il portait tout de même en lui le démon du théâtre, ou tout au moins d'un certain théâtre, il songea à un théâtre injouable, dans lequel il n'aurait pas à s'occuper des conventions, des règles, des exigences du public, mais pourrait se laisser guider par la fée imagination. C'est à cette conception spéciale que nous devons ses œuvres délicieuses, Lorenza Kio, On ne badine pas avec l'amour, La coupe et les lèvres, Le chandelier, etc. Enfin, toutes ces adorables pièces qui combinent si heureusement la grâce de Marivaux avec la puissance de Shakespeare. Comment ce théâtre fut-il représenté? L'histoire est curieuse. Toutes ces pièces dormaient, après avoir été remarquées, dans les pages de la Revue des Deux Mondes, quand Madame Allan, de la Comédie-Française, qui faisait une saison en Russie, s'avisa un jour pour s'amuser de représenter le Caprice au Théâtre impérial de Saint-Pétersbourg. À son retour à Paris, en 1847, elle rapportait cette pièce dans son manchon et exigea qu'on la jouât à la Comédie-Française. Ce fut une révélation, un succès étourdissant qui entraîna à sa suite les autres pièces oubliées. Malheureusement, voici une nouvelle révolution, celle de 1848, qui vient à nouveau arrêter la chance de l'auteur. Cette nouvelle révolution porta le coup fatal au poète. Elle le priva d'abord de la place de bibliothécaire au ministère de l'Intérieur, qu'il avait obtenue du comte Molé sur la demande de Bülow. Et puis, chose plus grave, elle rompait le cadre social dans lequel son talent s'était jusqu'alors épanoui. Enfin, il découvrait qu'il n'était plus jeune et, sans la jeunesse, Musset n'avait plus de raison d'être. De cette impuissance où il était de produire, Musset mourut. Tout le monde sait qu'il avança sa fin par des excès de boisson. Son tempérament trop nerveux ne sut pas résister aux excitants de l'ivresse et il perdit peu à peu le contrôle de lui-même. Il tomba dans une déchéance physique dont il essayait de se faire gloire. À d'autres instants, il tenta encore de réagir contre cette chute. Il commence un voyage dans les Vosges, mais en revient bien vite aussi là qu'il était avant son départ. Par une sinistre ironie, tandis qu'il sombre ainsi petit à petit dans le néant, sa réputation grandit, s'affirme de plus en plus. Le public, charmé, reconnaît qu'il a été injuste envers lui, et nul ne peut plus l'empêcher de passer au premier rang des poètes entre Lamartine et Victor Hugo. Durant sa maladie, une sœur de charité était venue le soigner. Elle était douce, fine et persuasive dans sa cornette blanche, sœur Marceline, et la sainte fille songea à soigner en même temps l'âme et le corps de ce mourant. Elle fut sa dernière consolation. Le soir du 1er mai 1857, il était au plus mal, et sœur Marceline n'était pas auprès de lui. Il évoqua son souvenir, puis il murmura « Dormir. Enfin, je vais dormir. » Et il ferma les yeux pour ne plus les rouvrir. C'était Alfred de Musset, poète des jeunes, par Jules Chancel.